Prophétie de Ada Negri. Enregistrée pour LibriVox.org. Prophétie. Le soir rassemble ses ombres pesantes sur le grabat où l'enfant dort. Une cruelle tristesse imprime à ses lèvres, jusque dans le sommeil, une expression douloureuse. Naguère, la voix d'une mère vibrait autour de ce berceau, si douce et si chère. Son chant d'amour, fredonné lentement, montait dans la nuit noire. Flottant par les chambres silencieuses et perdu dans les grandes ombres de la nuit, ce chant parlait de sourire et d'espérance. Maintenant, la voix s'est tue. Pauvre petit sans-mère, repose, oh, repose tes membres sur la paille nue. Demain, à l'aube glacée et neigeuse, la faim t'éveillera. Beau, avec ton œil sombre et superbe, avec la lèvre sérieuse et ton front grave marqué par le malheur d'un stigmate amer, inexorable, douloureux. Prédestiné de la souffrance, tu vivras, ignoré du monde, connu de Dieu seul, levant ton regard pensif sur l'immense inconnu. Et seul, errant, chétif, frémissant d'une colère inconsciente, sous tes vêtements déguenillés, tu demanderas à cet inconnu l'horrible pourquoi de ta faim. Pourtant, comme un jeune palmier dans les déserts, comme une fleur qui, éclose au milieu des épines sauvages, exhale suavement vers le ciel son parfum léger, toi qui fus nourri de douleur et d'abandon, toi, rejeté par le sort perfide, tu planeras librement dans l'infini, sur l'aile de la pensée. Tu seras poète. Comme la flamme envahissante de l'incendie au milieu des ténèbres silencieuses, ainsi surgira splendide dans ton esprit la flamme de ta pensée. Il ne reste rien de la beauté riante. Elle rend à la terre toutes ses dépouilles. Seule la mélancolie puissante du génie resplendit parmi les tempêtes. Tu seras poète. Sur la harpe souveraine, avec des accents graves et virils, tu évoqueras les veilles et les larmes de ton enfance lointaine. Et les révoltes de ton cœur, et l'impuissance de ta jeunesse, et la misère noire, et la secrète nostalgie de la voix maternelle, et l'accent plein d'angoisse de tout un peuple qui peine et qui pleure, accent semblable aux sanglots et aux plaintes de l'onde quand elle vient se briser sur les rochers du rivage. La terre te saluera, poète des misérables, de ceux dont la vie obscure fut une lutte contre le destin, poète des martyrs, des preux et des vaincus. Tout un monde qui passe et souffre en silence, tout un monde de blessés et d'êtres brisés par la fatigue, trouvera dans tes chants hardis l'expression de son cœur révolté. Pour toi, tu seras monté du néant à la victoire, et sur la montagne escarpée et fatale du combat, la gloire, amoureuse de toi, te réserve son immortel baiser. Fin du poème. Enregistré par Izad en 2022. Cet enregistrement fait partie du domaine public.